Bonjour madame, il vous reste des croissants? Combien en voulez-vous? Il en reste 2. J'en voulais 6. Bon, ça ne fait rien. Mettez-moi 4 brioches. Désolée, je n'en ai que 3. Bon, alors donnez-moi du pain. Il vous en reste au moins? Ah non, il n'y en a plus.